Okay. If you throw anything else on the stage, the concert is over. Cherchez les personnes qui jetaient les cigarettes sur l'étage, s'il vous plaît. Hey. Ne jetez pas les objets sur le stage. Ne jetez pas les objets. Cherchez les personnes qui jetaient les cigarettes sur l'étage, s'il vous plaît. House lights, the concert's over.